Souvenir, ça sort aujourd'hui avec Isabelle Huppert qui est notre invitée. Voici l'humeur de Guillermo Guiz. Vas-y, avale mon gars. Avale, avale. Bonjour les amis. Ça va? Ça va et vous? Comme vous le savez... Merci. On est le 21 décembre et qui fais dit... gaffe, t'as encore une goutte d'eau sur le nez. C'est le problème de la cristalline, c'est qu'avec le bouchon, on a, tu l'as mis dans le nez. Ça y est, vous me laissez faire mon texte comme d'habitude. Bah, excuse-moi d'aider, de bonjour soigner les amis, ton image. Comme vous le savez, donc on est le 21 décembre et qui dit 21 décembre dit... Alors sinon, toute autre chose, c'est un honneur pour moi d'être à la même table qu'Isabelle Huppert, que sans vouloir tirer sur la corde de la flagornerie, je considère sincèrement comme une assez bonne actrice. Quoi. Vraiment, très prometteuse en tout cas. Tu sais, tu la vois jouer, tu te dis, il y a un truc, il y a quelque chose. Tu sens parfois un petit manque de justesse et tout, mais ça se corrige. Quoi. Un conseil ou deux d'Ariel Dombal et ça va finir par payer. Et moi, j'ai le flair pour ce genre de choses. J'avais prévu succès pour cette bonne partie. Vous savez que dans le train où j'ai écrit ce texte, et je vous promets que c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit, bonne chance mon gars avec Isabelle Huppert. Et j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, si ça l'amuse pas, je peux te dire qu'elle va pas t'aider. Quoi. Et en revanche, si elle trouve ça drôle, elle va sûrement rire. Et j'ai dit, tu la connais Isabelle Huppert? Il m'a dit, Isabelle Huppert, non, jamais de ma vie. Mais j'imagine que c'est comme ça que les gens réagissent dans l'émission. Et il dit, enfin oui, bon là j'ai du boulot quoi. C'est-à-dire que si c'est pour me dire qu'elle va répondre en français quand on lui parle en français, fallait pas te donner la peine quoi. J'ai travaillé à faire. Enfin, comme dirait Michel Audiard, c'est quand même pénible cette espèce de besoin qu'ont les gens de faire des phrases. C'est que de mon point de vue, avoir l'opportunité d'être à la même table que la plus grande comédienne française, c'est complètement surréaliste. Vraiment, tu m'aurais dit il y a 4 ans, tu vas rencontrer Isabelle Huppert chez Nagui. Je t'aurais dit, ça t'embête pas si je la rencontre plutôt chez Jean-Luc Reichmann. Oui, c'était ma grosse période 12 coups de midi. Merci. J'en suis revenu, j'assure tout le monde. J'ai morflé, mais j'en suis revenu. Mais à ce même près, je vous aurais pas cru. Clairement, c'est pas normal pour un type comme moi d'être assis avec vous, Isabelle, ni avec des gens pour qui j'ai le plus grand respect, comme Nagui, Leïla ou Albert Algou. Je veux dire, vraiment, c'est pas normal. Ouais, tu m'aurais dit il y a 4 ans, un jour, tu seras à la même table que Daniel Morin. Je t'aurais dit, pas un mot de plus, malheureux. Pas un mot de plus, je ne veux rien savoir, ni quand je rencontrerai Daniel Morin, ni quand je ferai mon premier score but. Pas un mot de plus, voilà. Mais bon, authentiquement, c'est fou. Si je vous disais, Isabelle, où j'étais il y a 4 ans, je crois que si je vous le disais, vous me direz, ah ouais, super, d'accord. Est-ce qu'on peut m'apporter un peu d'eau? Et moi, je serais triste d'avoir loupé le coche avec mon anecdote, parce que j'avais fondé pas mal d'espoir sur cette anecdote. Mais enfin voilà, je vais quand même vous la dire, en tout cas aux autres, et voilà, ça intéressera sûrement cette fameuse catégorie d'auditeurs à qui je partage des souvenirs d'enfance et mon nom de famille. Il y a 4 ans, jour pour jour, j'ouvrais une boîte de nuit à Bruxelles, figurez-vous. Mais non. Je croyais que c'est vrai en plus, c'est ça qui est triste. Une boîte qui, sans vouloir me vanter, a plutôt bien marché dans l'univers de la faillite. Après 3 mois, c'était plié. Vraiment, j'avais littéralement plus rien. Plus de logement, plus d'argent, plus de voiture, plus de femmes, plus de boulot, plus de Discman. Ce qui pour le coup n'était pas du tout lié à la faillite, c'était lié à l'émergence du format MP3. Et voilà, le CD sous-tend, ça sautait tout le temps dans les Discman, en fait, c'était. Voilà, on n'est pas là pour refaire toute l'histoire de l'histoire des appareils électroniques. Non, enfin, si tu me lances là-dessus, moi je. Non, je te lance pas là-dessus. Ok. Voilà, mais donc ce que je veux dire par là, c'est que j'étais sur la paille sans perspective, je dormais dans le salon de mes potes à l'époque. C'est vrai, et c'est là que je me suis dit, Patrick. Parce que Guillermo, c'est le nom que je me suis créé dans l'intervalle, en hommage à Francis Huster. Mais je me suis dit, Patrick, réinvente-toi en tant qu'humain. Tu as toujours voulu écrire des textes. C'est le moment. Personne ne le fera à ta place. Va chercher ton rêve, Patrick. Allez, va chercher. C'est bien, Patrick. Bon chien. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, la vie est un supermarché dans lequel tu entres pour acheter une gousse d'ail et tu ressors avec des piles rechargeables. C'est vrai, il peut t'arriver 1007 trucs. L'important, c'est de se laisser la chance d'aller au supermarché. Et j'ai bien compris que la morale de mon histoire était pourrie et que vous êtes sur le point d'aller sur le terrain de la moquerie. Mais je vous rappelle. À cette heure-ci, il y a 4 ans, j'ouvrais le Macumba à Bruxelles. Voilà, ça laisse des traces. Allez, bonne émission. Les merci, Guillermo. France Inter, Nagui, la bande originale. Guillermo Guiz.